L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Nul ne peut changer l'œuvre de Dieu. Quand Dieu promit à Abraham qu'il aurait un fils, il le crut impossible, il le crut une blague. Quoi que l'homme fasse ou pense, n'est pas pertinent pour Dieu. Tout va selon son heure, son plan. C'est le principe de son œuvre. Sagesse. Dans les pensées de l'homme, il n'arrête pas ses plans et œuvres parce qu'il ne croit ni ne comprend. Par ses pensées et plans, les choses se font comme on le voit dans la Bible. Il choisit qu'Isaac. Dans ses notions, il fait seulement ce qu'il doit faire. C'est le tempérament de Dieu.